Ouais. Yeah. Écoute ce son, man. Ça, c'est du bon son. Ouais. Ouais, man. Attends. Il est facile de composer, faire un tube planétaire avec plein de mots rimés. Ça va déchirer dans l'enfer. Tu vas raconter tes problèmes que t'as rencontrés dans ta vie. Tu vas écrire partout que tu l'aimes et que tu l'as plaqué pour Jérémy. Et même si tu sais pas chanter, t'inquiète, l'ordi pourra t'aider. En trafiquant ta voix de merde, regarde, Fatal y est arrivé. Et tu parles très vite comme ça pour que personne te comprenne. Avec des mots vachement simples, y'aura pas de problème. Parle de ton ghetto, banlieue, flic, c'est la merde. Rage, tu, que t'es pas content. Ah non, t'es pas content. 8-5 en force, frère, prends ton gun, bébé. Putain, ouais, j'ai envie de pisser là, mais je vais y aller après. Ouais, adonf. Adonf. Toutes les idées sont sur le papier, t'as plus qu'à enregistrer. T'appelles Fred pour te prêter son micro karaoké. Tu prends les sons pourris de synthé que Camini a utilisé. Maintenant que tout est sur CD, direction les boîtes de production. T'as l'impression d'être un artiste, un grand, une star de l'année. Faut juste être un peu réaliste. Et merde, les portes sont fermées. Tu envoies ta maquette CD à tous pour te faire repérer. T'as un entretien cet après-midi, t'arrives triste comme un requiem. Bonjour monsieur, installez-vous. Oui, j'ai bien reçu votre CD, oui. Intéressant. Non, pas du tout, non. Vous êtes des centaines de personnes à nous envoyer chaque semaine des albums, des maquettes d'albums. Non, là c'est nul. Ça ne correspond pas à nos attentes, vous comprenez. J'ai le regret de vous dire qu'on ne peut pas vous prendre. Voilà. On vous rappellera.